Section 21. Chapitre 21. Pendant que Georges écrivait sa lettre, le jardinier qui bêchait une plate-bande sous ses fenêtres chantait à pleine voix un cantique, profitant de l'absence de son maître pour s'en donner à cœur joie. Cette voix de maître chantre eût pu troubler une tête moins solide que celle de Georges, mais il n'était pas homme à se laisser distraire pour si peu de choses. Un jour qu'il plaidait dans une petite ville de province, un samedi, veille d'une grande fête, on avait tout à coup entendu éclater une formidable sonnerie. Le bruit était d'autant plus fort que le palais de justice était accolé à la cathédrale et que les vibrations de la sonnerie se transmettaient non seulement dans l'air, mais encore par l'ébranlement même des murailles. « Maître Safarel, dit le président, vous pouvez vous arrêter un moment. » Mais Maître Safarel n'avait pas accepté cette proposition. Il avait répondu que si le tribunal voulait bien lui prêter toute son attention, il était certain de dominer bientôt le bruit des cloches. « Ce n'est pas pour l'attention du tribunal que je proposais cette interruption, c'était pour celle du défenseur, afin qu'elle ne se laissât pas troubler. » À quoi le défenseur, dans une belle phrase académique, qu'il ne se laissait troubler par rien. Et de fait, il avait continué sa discussion, et bientôt sa voix claire et perçante avait couvert la grosse voix des cloches. Il avait en effet au suprême degré cette grâce d'état qu'on rencontre chez beaucoup d'avocats et qui fait que lorsqu'ils prennent la parole, ils n'écoutent plus et n'entendent plus qu'eux-mêmes. Tout à sa lettre, Georges n'avait pas entendu la voix du jardinier. Ce fut seulement lorsqu'il eut mis cette lettre sous enveloppe qu'il remarqua que ses vitres tremblaient, ébranlées par le cantique « Heureux les cœurs fidèles où règne la ferveur ». « Voilà Martin qui proteste contre la théorie de la transformation de l'espèce, dit-il en riant, et contre l'homme-singe. » Puis, se penchant par-dessus l'appui de sa fenêtre, il appela Martin. Mais celui-ci protestait avec tant de ferveur qu'il n'entendit rien. Il fallut qu'un journal roulé en boule lui tombât sur les cheveux pour qu'il relevât la tête. « Voulez-vous mettre les chevaux au charaban ? » dit Georges, répondant à son regard ahuri. « Faut aller chercher le médecin à Vannes ? Vous sentez-vous plus malade ? « Il faut me conduire moi-même à Vannes. Vous êtes guéri ? Je suis pressé de partir. Ne perdez pas de temps, je vous prie, et venez chercher ma malle. Tout de suite, le temps de donner la voix à nos chevaux. » Malgré cet engagement, Martin, qui cumulait les doubles fonctions de jardinier et de cocher, n'alla pas tout de suite à l'écurie pour donner la voix à nos chevaux, mais avant tout, il commença par entrer à la cuisine. « Qu'est-ce que vous me racontiez donc ? Dit-il à la cuisinière. « Que Monsieur Georges était malade ? Voilà qu'il veut s'en aller à Vannes. C'est pour voir le médecin, bien sûr. Sont-ils drôles, ces gens de Paris, d'aller comme ça porter leur argent au médecin pour rien ? J'ai eu 4 enfants, et jamais de ma vie un médecin n'est entré chez nous. Il est bien question du médecin. Il m'a dit de monter chercher sa malle. Sa malle ? Bien sûr que vous êtes sourd. Je sais ce que je dis. Oui, mais vous ne savez pas ce que vous entendez. Vous chantiez à défoncer les vitres. Vous n'aurez pas compris. Il vous a dit qu'il était malade. Une discussion s'engagea, et pour trancher la question, Martin monta chercher la malle. Lorsqu'il la redescendit dans le vestibule, la cuisinière dut se rendre à l'évidence, mais ce ne fut pas sans pousser les hauts cris. Elle suivit Martin à l'écurie, et là ils reprirent la discussion de plus belle. Les sentiments que Charlotte éprouvait pour son cousin n'étaient pas bien entendu un secret pour les domestiques, qui, bretons ou parisiens, paysans ou citadins, sont partout les premiers à savoir ce qu'on veut tenir caché. Pour eux, il n'y avait pas de doute que M. Georges ne devint un jour le mari de Mlle Charlotte. Personne ne leur en avait jamais parlé, cependant ils en étaient sûrs. Alors pourquoi M. Georges partait-il ainsi subitement après avoir voulu faire croire qu'il était malade ? Il y avait là un mystère. Mais, de même que sans explication préalable, ils avaient arrangé le mariage de leur jeune maîtresse avec l'avocat, de même, ils arrangèrent sa rupture. Le seul point qui pour eux resta entouré d'obscurité fut le motif de cette rupture. Peut-être que Mlle Charlotte se laisse courtiser par le marin. Ne dites donc pas de bêtises comme ça, Martin. Ça s'est vu. Ça ne se verra pas chez nous, car je vous dis que Mlle Charlotte a de l'amour pour son cousin. Alors pourquoi ne s'épouse-t-il pas ? Pourquoi, je n'en sais rien, mais pas moins que quant à moi, je n'en pleurerai pas. Je vais vous dire un secret, Martin. Monsieur Georges, ce n'était pas un homme. Ah, oh, bah, je sais ce que je dis. Est-ce que s'il avait été un homme, il n'y a pas longtemps que Mlle Charlotte serait sa femme ? Eh bien, elle ne l'est pas. Pour le sentiment, je ne peux pas dire. Mais le reste, ce n'était pas un homme. Et voyez-vous, un mari comme ça, il n'en faut pas. Pour lors, le vôtre ? Pour lors, le mien, c'était un homme. Et c'est pour ça que je n'ai jamais voulu en prendre un autre. Quand il a eu le malheur de périr sur la zélée, j'étais encore jeune. Il y avait des gens qui me trouvaient bonne pour être leur femme. Jamais je n'ai voulu. Quand on a eu un mari, j'entends un vrai, on n'en a qu'un. C'est pour ça que je me suis mise en service. Avec ce que je gagne, j'élève mes enfants. Et au jour du dernier jour, quand je retrouverai mon homme, je pourrai lui dire « Voilà ta femme !» Georges, impatient de ne pas voir le charaban sortir de la remise, vint à l'écurie interrompre ce bavardage. Devant lui, les choses marchèrent plus vite. Les chevaux furent bientôt attelés. Pendant que Martin bouclait les guides, il s'approcha de la cuisinière et lui tendit deux lettres. « Quand mon oncle et ma cousine rentreront, dit-il, vous leur donnerez ces lettres, celle-ci à mon oncle et celle-là à ma cousine. » « Ça ne fait rien de remettre la lettre à mademoiselle devant monsieur ?»« Pourquoi me demandez-vous cela ? » dit Georges d'un ton sévère. « Parce que s'il fallait la remettre en arrière de monsieur, je ne la prendrais pas donc, » répliqua la Bretonne sans se laisser intimider. « Remettez-les comme vous voudrez. Tout ce que j'exige, c'est que vous n'oubliez pas ma recommandation et que vous vous en acquittiez aussitôt que mon oncle et ma cousine arriveront. Oubliez ? Ah non, il n'y a pas de risque. » Et pendant que la voiture s'éloignait, elle tourna et retourna les deux lettres entre ses doigts. Sur ces deux feuilles de papier se trouvait donc l'explication du mystère qui l'intriguait si vivement. Ah, si elle avait su lire, peut-être qu'en écartant les enveloppes, elle eût appris quelque chose. Mais ces signes noirs sur du blanc ne signifiaient rien pour elle. Il fallait attendre. Vers midi, Martin revint de Vannes. Il rapportait une grande nouvelle. M. Georges avait fait enregistrer sa malle pour Paris. Il était donc bien parti. Et en route, il n'a rien dit ? Il n'a ouvert la bouche que pour m'appeler imbécile, parce qu'en tournant au poteau rouge, nous avons failli accrocher. Ah, il n'était pas de bonne humeur. Sans doute que c'est monsieur qui lui a donné congé. Il faut espérer. Ce fut seulement une demi-heure avant le coucher du soleil que le bourguignon apparut dans l'est. Martin, qui le guettait, vint aussitôt annoncer cette nouvelle à la cuisine. « Je vais vous arranger votre salade, dit-il, pour être là, quand vous remettrez les lettres. » Bientôt la barque toucha le rivage et l'on vit Charlotte qui, prenant les devants, accourait vers la maison. « Oui, monsieur Georges, dit-elle en entrant dans le vestibule. « Monsieur Georges est parti, mademoiselle. »« Parti, Georges ? Où parti ?»« Pour Paris. » Elle se passa la main sur le front. Évidemment, elle ne comprenait pas. « Environ une heure après que vous avez été embarqué, monsieur Georges a demandé les chevaux pour qu'on le conduise à Vannes. » « Et il m'a dit de faire enregistrer la malle pour Paris, » acheva Martin en intervenant. « Au surplus, voilà deux lettres qu'il m'a dit de vous remettre. Une pour vous, mademoiselle, et une pour monsieur. Voulez-vous prendre la vôtre ?» À ce moment, monsieur de la Hérodière, qui n'avait pas pu marcher aussi vite que sa fille, arriva à son tour. Déjà Charlotte avait pris la lettre sur l'adresse de laquelle elle avait vu son nom, et en courant, elle montait l'escalier pour gagner sa chambre. « C'est un papier que M. Georges, qui est parti tantôt pour Paris, m'a donné commission de vous remettre, » dit la cuisinière en tendant à son maître la lettre qui lui était restée dans les mains. M. de la Hérodière prit cette lettre et, sans faire la moindre observation, il entra dans son cabinet. « Bien sûr que mademoiselle ne s'attendait pas au départ de son cousin, » fit Martin. « A-t-elle pâli quand je lui ai dit que j'avais fait enregistrer la malle pour Paris, j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. »« Possible. Mais d'un autre côté, bien sûr aussi que monsieur s'attendait à ce départ, car il n'a pas paru surpris en prenant la lettre. J'en suis toujours pour ce que j'ai dit. C'est lui qui a donné congé à l'avocat. Ça va bien. » À ce moment, un bruit sourd retentit à l'étage supérieur, comme celui que produit un corps en tombant. Puis à cette chute qui avait fait trembler le plafond, succéda un silence absolu. Les deux domestiques se regardèrent effrayés, et M. de la Hérodière sortit de son cabinet pour demander la cause de ce tapage. « Je vais voir en haut, » répondit la servante. Et vivement, elle monta l'escalier. À peine avait-elle disparu que l'on entendit crier d'une voix épouvantée « Monsieur, monsieur !» M. de la Hérodière mit tant de hâte à gravir l'escalier que, sous sa main crispée, la rampe sonna avec un bruit de ferraille. Charlotte était étendue sur le parquet de sa chambre, pâle comme le linge. M. de la Hérodière se jeta près d'elle et lui posa la main sur le cœur. Il ne battait plus, sa poitrine était immobile, ses membres étaient froids, elle paraissait morte. « Mon Dieu, Sainte Vierge !» criait la servante. « Mademoiselle est morte !»« Taisez-vous, dit M. de la Hérodière. « C'est une syncope. Elle se trouve mal. Aidez-moi à la mettre sur son lit et défaites-lui les boutons et les cordons qui peuvent la gêner. » Tout en faisant ce qui lui était commandé, la servante disait « Si vous êtes sûr qu'elle se trouve mal, il faut lui brûler de la corne sous le nez. Ça va la faire revenir tout de suite. » Sans répondre, M. de la Hérodière versait dans un verre du vinaigre de toilette. En revenant vers le lit de sa fille, il aperçut, au milieu de la chambre, la lettre de Georges. Se baissant, il la ramassa et la mit dans sa poche. Il jeta quelques gouttes d'eau sur le visage décoloré de sa fille, tandis que la servante lui frottait vigoureusement les mains. Bientôt, Charlotte rouvrit les yeux. Pendant quelques secondes, elle regarda dans le vide, puis tout à coup, le sentiment lui revint et un flot de larmes jaillit de ses yeux. « Ah, père, père !» s'écria-t-elle. « C'est toi ?» Monsieur de la Hérodière la regarda un moment sans comprendre, mais bientôt la lumière se fit. Elle l'accusait d'avoir rompu son mariage. Alors il étendit la main au-dessus d'elle et d'une voix solennelle, « Non, mon enfant, ce n'est pas moi. C'est lui, tu entends bien, c'est lui. Je te jure que c'est lui qui est venu à moi pour me dire qu'il me rendait ma parole. Lui ? Voici une lettre qui te prouvera ce que je te dis. » Il lui tendit la lettre de Georges avec celle qu'il venait de ramasser. Tu les liras toutes deux et tu verras. Elle étendit la main vers les lettres, mais elle ne put pas les prendre. Ses yeux se troublèrent, ses lèvres s'entr'ouvrirent et elle défaillit de nouveau. Fin de la section 21.